Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Non Essentiel, votre émission quotidienne. Vous le savez maintenant, je le répète à chaque fois, ça commence à être un peu redondant, mais quand même, sur nos cultures, votre émission qui parle évidemment de culture. Et aujourd'hui, on s'est fait un petit plaisir, on est parti au festival Euskal Herria sous Sénéal, on a Iris Harry. Je ne sais pas si vous entendez la musique derrière nous, et quand je dis d'ailleurs « on », parce que je ne suis pas tout seul, parce que un monsieur a un record à avoir, et donc vous avez deviné, j'imagine, c'est Bichente. Salut Bichente. Salut Mathilde. Donc du coup, moi je vais interviewer des gens un petit peu au hasard dans EHC Seta, parce que tu as dit Euskal Herria sous Sénéal, mais le nom en abrégé c'est EHC Seta. Donc je vais leur poser des questions et puis on verra ce qu'ils vont nous répondre. Alors ça, c'est tout à fait ça ton boulot. On est à Chesta, pour ceux qui veulent chercher, c'est EHZ, c'est l'abréviation du nom du festival. Quant à moi, j'ai avoir trois interviews. Une avec Katina Aranrazin, qui est permanente à EHZ. Une autre avec Elian Bourdet, que vous avez peut-être déjà entendu dans la toute première émission de Non Essentiel, que vous a fait une chronique sur l'Arkin Po, qui était fort sympathique. Et une dernière avec Torate, groupe de métal qui va jouer ce soir, parce qu'on est effectivement pas en direct, mais on est au festival en ce moment même. Du coup, Bichette, tu vas nous faire aujourd'hui ta mission, c'est de faire un micro-trottoir. Comment tu te sens? Mais je me sens bien, voilà, j'ai préparé quelques questions. Et bien c'est parti, alors on est dans Non Essentiel et émission pour le coup vraiment spéciale. On n'est pas en direct, on va tout enregistrer ici à EHZ-ETA, à Iris Harry Pebas. C'est parti, on est dans Non Essentiel. Non Essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Ça fait combien d'années que tu viens à EHZ-ETA? Oh, ça fait au moins une dizaine d'années. Pouah, ça doit être mon 4 ou 5e. 4 ou 5e, ouais. Les derniers que j'avais fait, c'était il y a 15 ans, par contre. C'était, quand c'était à Idox Mendy. Le premier. Ouais, je crois que j'avais commencé à Ailette, donc ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis au festival. Et c'est peut-être ma 17e édition. C'est mon quelième, putain. Mon 10e, pour faire un compte rond, je sais pas, ouais. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui, parce qu'avec la période difficile que nous avons vécue, ça fait vraiment plaisir de voir du monde, des concerts et cette joie de vivre. Est-ce que tu es venu voir quelque chose en particulier ce week-end? Je suis venu voir des concerts, je sais même pas quel concert il y a. En fait, t'es venu te défoncer la gueule, si je comprends bien. Tout à fait. Je suis venu voir deux ou trois concerts qui m'intéressent. No Gain. Après, moi, je suis à Eduki Politico, donc je verrai aussi les conférences. Mais c'est vrai que là, l'offre au niveau concert, elle est très bien. Et puis moi, je trouve que c'est un bon choix d'avoir essayé de promouvoir des groupes locaux et voilà. Voir du monde, des concerts, un peu de genre, mais surtout, enfin, s'il faut citer un concert, c'est CA Maïch. Que ce soit Chill Mafia, Torrey, etc. Voilà. Un peu tous les concerts, je suis aussi bénévole, alors du coup je vais en louper quelques-uns. Bon, ça va être en fonction quoi. Tout est bon à prendre et du coup... Tout. Tout, pas un concert en particulier? J'aime beaucoup, c'est à Maïch. La musique, ça t'intéresse pas du tout, hein? Pas du tout. Non Essentiel. Alors on a Katina qui est permanente à EHZ-ETA. D'abord, tu peux nous expliquer ce que c'est que d'être permanent, c'est quoi ce poste? Alors, moi, j'ai pris le poste de permanente que depuis le mois de juin. Hein. Donc, avant les années précédentes, pour ce festival, il y avait des permanents pendant toute l'année, c'est-à-dire pour toute l'organisation du festival, que ça soit du côté programmation, que du côté technique, etc. Là, cette année, on a voulu, enfin, l'équipe bénévole a voulu intégrer une permanente pour qu'il y ait en fait quelqu'un toujours pendant le montage et le démontage, quelqu'un qui briefe les équipes, quelqu'un qui fait passer les messages. Voilà, et du coup, le boulot de permanente ce mois-ci, ça a été surtout ça, niveau technique et la communication entre tous les bénévoles et toutes les commissions qu'il y a au sein du festival. Du coup, on est là à EHZ-ETA, Euskal Herria sous Sénéan, on va dire que le Pays Basque en live, le Pays Basque en direct, quelque chose comme ça. Voilà. C'est la 25e année, c'est la 25e édition, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu, donc ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'EHZ-ETA. Comment tu te sens, toi, personnellement? Super excitée. En fait, on peut revivre ce rendez-vous super connu ici au Pays Basque Nord. C'est enfin la possibilité de se retrouver entre tous les jeunes et moins jeunes d'ailleurs du Pays Basque Nord et aussi du Pays Basque Sud. C'est vraiment un rendez-vous immanquable de l'année. La 25e édition, ça représente une génération. Moi, c'était mes parents, mon père qui l'avait créé. Aujourd'hui, c'est moi qui suis permanente. C'est hyper symbolique et je suis super contente que ça puisse se refaire cette année, même malgré ce pass sanitaire qu'on doit mettre en place. Mais les gens sont motivés, on a eu beaucoup de bénévoles, le public est présent, c'est super. Parce que oui, 25 ans, c'est quand même long. 25 ans pour un festival de ce genre qui est quand même un peu atypique. Tu peux déjà nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, en quoi il est atypique ce festival? Qu'est-ce qui fait qu'on vient ici et pas ailleurs? On vient ici parce que c'est un festival qui est autogéré. Je veux dire, on n'a pas de financement de sponsors ou quoi que ce soit. Au sein du festival, il n'y a pas de publicité. On fait marcher les producteurs locaux. Ils avaient mis en place à l'époque le tri sélectif, les toilettes sèches. Ce festival, il est dans un esprit de contre-consommation en fait, par rapport à d'autres festivals qui peuvent se créer. Et du coup, certes, c'est un peu plus petit que des gros festivals, mais au moins, grâce aux bénévoles qui les fait ce festival. Et c'est ça qui fait le charme du festival. En plus, la programmation, elle est souvent avec des groupes et des spectacles locaux. C'est aussi un tremplin pour ces spectacles, ces groupes, de se produire sur scène, sur une grande scène. Vous attendez combien de personnes pour cette 25e édition ? Très bonne question. Alors, jusqu'à il y a une semaine, on était limité à 3600 personnes par rapport aux 4 mètres carrés exigés par le gouvernement. Ok, donc c'est ça légalement ça ? Ça, c'était légalement parce que depuis le 1er juillet, ça a changé. D'accord. Les jauges, on n'a plus de jauge, en fait, c'est du 100% au niveau de la superficie. Donc, en fait. On a craqué la superficie et du coup, je pense qu'on pourrait arriver au moins à 3000 festivaliers peut-être et 600 bénévoles. 600 bénévoles. 600 bénévoles. En comptant les sonorisateurs, etc. Et après, quelques 200 artistes par jour, je pense. Donc ça se déroule sur 3 jours. Oui. C'est à Irisari, donc c'est vraiment dans le centre du village. Sachant que vous avez deux scènes, donc je raconte un peu. Il y a une sur la place, avec donc une petite scène où il y aura... Là, ça a commencé déjà, il est 6 heures passées, donc le premier concert a déjà commencé. Et après, la grande scène qui est dans le champ, un peu en dessous. C'est des programmations différentes pour ces deux scènes, c'est pensé différemment? Alors, c'est une spécialité de cette année quand même, qu'il y ait deux scènes comme ça. Les années précédentes, il y avait deux scènes. Depuis que le festival est à Ailette, il y a eu cette envie de changer le fonctionnement du festival, de sortir du champ et d'intégrer aussi le bourg d'un village. Mmh. Donc, dans l'organisation, c'était la journée ouverte au public gratuitement au bourg du village. Et ensuite, le champ ouvrait avec les gros concerts et on fermait le bourg. Et là, c'est à partir de la soirée, ça devenait payant, quoi. Cette année, avec le pass sanitaire, on a dû tout fermer. Ouais. Donc, on pouvait pas mettre en place la journée gratuite et l'ouverture à tout le monde sur la place. Donc, la nouveauté, c'est une double programmation entre la scène de la place et la scène du champ. Et du coup, la place, c'est une plus petite scène. Ça va être plus des spectacles de rue, du cirque, des petits concerts plutôt acoustiques ou sans gros son, on va dire. Et alors que le champ, ça va être plutôt des gros concerts un peu plus connus et qui ramènent plus de monde. C'est plus concert où on peut faire des pogos, quoi. D'accord. Mais n'empêche que, comme il y a une double programmation, dans le champ aussi, la journée, on pourra trouver des spectacles. Dimanche matin, par exemple, il y aura un spectacle pour les enfants sur le champ. Donc, c'est assez varié sur les deux sites. Et du coup, à cause de cette fermeture de la place, qui n'est plus gratuite la journée, est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait moins de familles qui viennent? Parce que le calcul était assez simple pour eux. Deux parents, deux enfants, payer 4 places. Ça revenait assez cher, du coup c'est pour ça que moi je me souviens il y a 2 ans, donc c'était très familial en haut. Du coup vous avez pris en compte ce paramètre-là ? Alors ce qui se passe c'est que jusqu'à 11 ans l'entrée est gratuite. D'accord. Donc ça laisse quand même une liberté pour les familles de venir, quoi. Et dans la programmation on n'a pas laissé de côté les enfants non plus. Il y a aussi un coin dédié aux enfants. Donc je ne sais pas si ça bloque vraiment les familles. Peut-être au niveau du pass sanitaire, toujours la même chose, mais comme il n'y a pas besoin de pass sanitaire pour les moins de 11 ans, d'accord. Je ne pense pas que ça soit un gros blocage non, pour les enfants et les familles qui viendront la journée. On est à Eriçarri ici au Pays Basque. Une dernière petite question, puisque l'émission sera diffusée à Bordeaux. Comment tu t'essaierais de convaincre les Bordelais de venir ici ? J'incite les gens à venir ici, pas seulement les Bordelais, mais c'est surtout pour rencontrer les gens, les locaux. Ce petit festival qui est organisé seulement par des bénévoles, en fait. C'est ça qui est incroyable. L'ambiance est super. J'inciterai même à venir en tant que bénévole parce que c'est une autre façon de faire un festival et c'est là qu'on profite aussi d'une certaine façon et c'est ça qui est hyper intéressant avec IHSETA. Et j'ai peut-être oublié de préciser quelque chose, c'est que ici, donc évidemment les gens parlent français, mais tout est en basque et en français. Mais quand même, il n'y a pas une seule affiche où il n'y a pas du basque. Les groupes oui. sont bascophones, etc. Oui, ça, voilà, on essaye de promouvoir au maximum la langue basque, la culture basque. C'est notre idéal. Nous, on veut vivre comme ça. On parle tous chouara, donc tout est en basque. Et ensuite, on ne veut pas non plus exclure les gens extérieurs. Donc, il y a des traductions en français, oui. Ben c'est tout, on va se quitter sur ça. Merci beaucoup. Donc, on était Katina Aranrazin, permanente de EHSETA Jukalerria Sousenean, Eriçarri. Bon week-end. Milesker, bon week-end. essentiel. Toi, c'était quoi ton meilleur souvenir que t'es au festival? Moi, j'étais venue voir, je crois que c'était à Ailettes, j'avais été voir Isia. Ouais, j'avais adoré. Peut-être un concert, pendant quelques années, on a eu Berit Charak le samedi. Peut-être un concert de Berit Charak, ça devait être en 2013 ou 2012. Et toujours des bonnes surprises. Toujours des très bonnes surprises, des groupes moins connus. Il y a eu plusieurs concerts que j'ai beaucoup aimés. Il y a eu un concert de Fermin Muguruza qui était génial. Et de Luxe aussi qui sont passés et qui étaient super. Et sinon, à vrai dire, je me rappelle pas, mais tout le festival, et c'est quelque chose. Je me vois à les cornets à Mendion. Sur la pente, il y avait une grande pente où on passait la journée à boire du calimucho. Bon, je veux dire le concert d'Escapé. Quand j'étais plus jeune, c'était énorme. Je sais pas, je dirais bon, Berit Charak, comme d'hab. J'avais eu Manu Chao à l'époque. Gros concert aussi. Ouais. Pourquoi tu es bénévole au festival? Parce que pour nous, c'est très important de pouvoir nous réunir pendant 3 jours autour d'un festival. C'est l'occasion de mêler un peu toutes les luttes et toute l'offre culturelle aussi qui se fait ici. Et l'occasion de se retrouver aussi, particulièrement après le Covid. Hein. Je suis bénévole à l'accueil des artistes. Est-ce qu'il y a des artistes que tu as envie de voir derrière la scène? De les voir en off alors? Non, pas tant, parce que j'en connais déjà quelques-uns. Je sais qu'il y a quelques bons artistes là. Après, les artistes un peu gros qu'on n'a jamais pu côtoyer de près, comme Anesthesia ou comme ça. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Gouné ou Bella? Alors, nous sommes un groupe de féministes qui faisons de la prévention et qui assurons la sécurité des femmes principalement durant ce festival. Ben, c'est de rendre tout ça un peu possible, quoi, parce que sans ça, sans bénévoles, de toute façon, il n'y a pas de HCTA, je dirais pas, il n'y a pas de festival, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui fonctionnent quand même avec des salariés et tout ça, là, et HCTA, c'est uniquement avec des bénévoles, et c'est ça qui fait un peu son charme, quoi. On s'occupe de tout ce qui est bar, avec, on est, bon, je veux dire, une dizaine. Voilà, on s'occupe du bar, de la gestion du bar, des commandes et tout ça. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. On est donc avec Elian Bourdet, que vous connaissez peut-être pour l'avoir écouté dans la toute première émission de Non Essentiel. Ça va Elian? Ça va et toi? Ben ça va fort bien. Donc on est à EHCETA, le festival, et tu es, toi, technicien dans ce festival. Ouais, ben, technicien lumière et technicien scène. J'installe la scène et tout ça. Ça consiste en quoi en fait, tu fais ça pendant 3 jours déjà? Je fais ça pendant 2 jours et je laisse le dimanche, je vais faire le festival en tant que festivalier. D'accord. Parce que tu es ici en tant que bénévole? Non. Ah, pas. Tu es payé cette année? Même pas, je suis payé. Mais je suis payé pour être là, je suis à moitié en bénévole dans le sens où je bosse pas à plein temps, mais je suis payé. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Technicien au festival, je veux dire. Hein. Technicien au festival, c'est que la deuxième fois que je le fais au festival. C'est que la deuxième fois, d'accord. Ouais, la première fois où je vais venir, c'était l'année qui a été annulée avec les intempéries. Le dernier à les cornets, c'était c'est là où je vais commencer à bosser. Au final, après, festival itinérant. Le festival, la première à Irisari, là, j'ai bossé. Et donc il y a 2 ans et l'an dernier Covid, pas bossé. Oui, parce que chers auditeurs, on va pas vous détailler ici tout le parcours d'Acesta ces 25 dernières années, mais c'était quand même un gros parcours du combattant. Je crois qu'ici à Rissari, c'est à la 4e ou 5e ville ou village dans lequel ils le font. Il y a eu des intempéries, des annulations, il y a eu énormément de choses. Je vous conseille d'aller un peu, je pense qu'il y a des choses sur internet, on peut accéder facilement à ces infos. Mais on va se concentrer sur Elian. 3 jours, donc toi tu fais 2 jours cette année. Ouais. J'imagine que ça c'est intense, il y a 30 groupes je crois pendant les 3 jours, ça c'est intense comme rythme. C'est ça, après j'ai pas toutes les infos, j'ai pas bien fait mes devoirs pour savoir quel groupe j'allais avoir. Mais non, il y a du beau boulot, il y a des beaux concerts. Et on va voir lesquels n'auront pas de technicien de lumière pour que je puisse toucher un petit peu au bouton et m'amuser un peu. Parce qu'en gros ils arrivent eux avec leur technicien son et lumière, et où lumière, et s'ils n'en ont pas, vous êtes toujours là au c'est cas ça. Où il faut on faire. On est là pour faire soit de l'accueil, si donc présenter aux techniciens du groupe le matériel, la console, tout ça, et les aider parce que ça va très vite, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'habituer, alors que d'habitude ils ont vraiment le temps, on monte le matos en fonction d'eux, là c'est un matos qui est installé et nous on essaye de les guider par rapport à ça. Et après, si jamais il n'y a pas de technicien avec le groupe, ben on prend le relais, on prend la console. Et... C'est combien par groupe? Il me semble que c'est toutes les heures et demie, un groupe différent. Une demi-heure de balance, ou un peu moins, même un peu moins. Et voilà, c'est à peu près une heure et demie. Ouais. Donc les enchaînements doivent se faire très très vite d'un groupe à l'autre. Ouais, après, là, c'est l'avantage d'être à la lumière, c'est que cette année, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui viennent avec du matériel lumière à eux. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup de montage à faire. Mais ouais, et du coup, c'est assez tranquille. C'est assez tranquille. Nous, le matos, ça reste le même entre chaque concert. C'est pas comme les techniciens son qui, eux, doivent changer tous les micros parce que tous les instruments changent. Nous, ça reste essentiellement la même chose. Et c'est juste, s'il y a un technicien à accueillir, qu'on va avoir quelque chose à faire. Enfin, qu'on va avoir quelque chose à faire pendant ce changement de plateau. Tu saurais me dire combien vous êtes technicien lumière, son, plateau, tout ça? Il y a 3 techniciens son, 4 techniciens lumière. D'accord. Et après, il y a des bénévoles qui aident au plateau pour installer les instruments, s'occuper de tout le backline, tous les instruments de musique, tous les projecteurs, tous les trucs qui a bougé entre les concerts sur scène. C'est généralement des bénévoles qui le font. Et tout ça sur les deux scènes du festival. Sur les deux scènes, je sais pas comment ça se passe sur la petite scène qui est à côté de nous, mais sur la grande scène, ça se passe comme ça. Moi, je bosse que sur la grande scène. Et quand tu vois les prochains, ces deux prochains jours difficiles, ou comment ça va se passer pour toi, à ton avis? Mais non, relativement facile. Le plus dur est fait. Le plus dur pour nous, c'est quand même l'installation de la scène et après des projecteurs. Et là, les deux jours, ça va être tranquille. On va s'amuser, voir des concerts magnifiques, boire des bières. Et par contre, le plus dur, ça va être le démontage. Oui. Lundi. À 8h du matin, juste après le festival. Combien de temps de démontage pour une scène comme ça? Alors déjà, première question, quelle taille fait la scène d'Acesta, la grande? Est-ce que tu peux me dire ça? La grande, de plateau, le plateau pour les musiciens, il y a 12 mètres de large par 10 de profondeur. Ouais, c'est pas mal plus du tout. Plus des régies à côté avec, sur lesquelles il y a des consoles pour les retours et tout ça. C'est pas mal du tout. Et qui font 4 mètres de plus. Et après, et voilà. Et après, en hauteur, on est à 8 mètres, tout comme ça. Ça met combien de temps à monter, à démonter ça? Ça a mis 4 jours à monter. Ah oui. Et ça va être démonté en 2 jours, j'espère. Peut-être 3. De toute façon, après, vous êtes une équipe rodée. Il me semble que le technicien en chef est là depuis 20 ans ou presque. Ouais, le technicien en chef est là depuis le début des HCTA. Il a fait partie, il me semble, mon patron a fait partie des premiers organisateurs de HCTA. Donc, ouais. Puis c'est toujours un peu les mêmes têtes qui reviennent, les mêmes bénévoles, les mêmes techos qui reviennent. Clairement, même les vieux, à la cuisine, c'est toujours les mêmes vieux qui font, qui font la bouffe, des bénévoles d'il y a 20 ans, ils sont là depuis longtemps. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette petite interview. Elian, est-ce qu'on a une chance de te réentendre dans une prochaine chronique sur Non Essentiel? Mais bien sûr, on verra avec plaisir. Si j'ai le temps un peu de bosser, de trouver des sujets intéressants. Elian, je te souhaite un bon festival. Eh bien, merci, bon festival. Et au plaisir de te réécouter sur les ondes de Radio No Culture et surtout dans Non Essentiel. Salut. Salut. Tokia hartu dugu, La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Nous traversons un désastre. C'est ta quelle année de festival à toi? 13e. Ah ouais, 13, ça fait beaucoup. Oh, ça doit être mon 4 ou 5e. Mon quelième festival, bonne question. Il y a quelques années, je venais avec mes parents, donc officiellement que je vienne toute seule, c'est ma troisième année. 4 ou 5, je crois. Moi, en tant qu'organisateur, c'est mon premier festival, et en tant que festivalier, mon deuxième. En vrai, je pense 4e ou 5e. Il y a pas mal d'années qui ont sauté, mais 4e, je crois. Ton meilleur souvenir au festival, c'est quoi? Mon meilleur souvenir? Le chauffage avec mon ex. Ouais, je vais faire le gros classique, Manu Chao, trop facile. Il y en a eu pas mal. Il y avait eu Chaka Pong qui était vraiment bien, Youssoufa. Puis il y a eu Anesthesia qui était vraiment bien aussi, assez sauvage. Quand j'avais fait Lagoon Saile, aidant, quand j'avais aidé. Et que voilà, bonne ambiance, on était avec des potes à aider, à organiser les repas, etc. Voilà, bon. Ah mais non, mais je suis toute nouvelle, moi. Mes meilleurs souvenirs, c'était quand on a monté tout le festival durant... Moi, j'étais dans l'organisation, donc j'ai vécu des moments fantastiques en étant bénévole. J'ai rencontré mon amoureux là-bas, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Du coup, tu parlais de Calimucho, parce qu'on a une radio de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est le Calimucho? Alors, c'est pas une grande fierté, mais c'est du vin et du coca. Je pense que le meilleur souvenir, c'est le prochain. Oh, c'est poétique, c'est beau. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Donc on est avec Torate, groupe de métal qui va jouer ce soir, si je dis pas de bêtises, à minuit sur la grande scène du festival. On est là avec deux musiciens, donc Camille à la basse, ça va? Oui, ça va, nickel. Et toi, Matine? Ma foi, ça va fort bien. Et on est avec Jérôme à la guitare. Ouais, c'est moi. Ça va? Ça va, et toi? Mais ma foi, ça va très bien aussi. Vous allez jouer ce soir à minuit, c'est dans quelques heures? À minuit et demi. À minuit et demi, pardon. Donc vous allez jouer ce soir à minuit et demi. Il est 8h, quelque chose comme ça. Donc c'est dans quelques heures seulement. Comment vous vous sentez avant ce show? On va part un peu stressé. Un peu stressé, voilà. On n'a pas trop l'habitude de jouer dans des conditions comme ça. Donc un peu stressé, mais on a quand même envie d'y aller. Donc c'est cool, quoi. Qu'est-ce que tu appelles des conditions comme ça? Ben, une grosse scène déjà avec beaucoup de matos, avec une audience qui, on l'espère, sera assez importante. Et puis c'est la reprise, quelque part. C'est surtout. C'est la reprise. Alors moi, j'ai eu la chance de vous voir il y a quelques semaines. Vous me sembliez être au top niveau, comme disent les jeunes de nos jours. J'imagine que ces confinements, cette pandémie vous a permis de progresser. Vous avez pris le temps grâce à ça, finalement, d'un côté, pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. On a pris le temps de répéter avec insistance. Ouais. On a beaucoup bossé. Ouais, comme beaucoup de groupes, je pense qu'on en a profité pour composer, pour être au calme, pas avoir à répéter les lives et tout ça. Donc au début, c'était pas facile de se retrouver, donc on a pas mal composé chacun de son côté, voilà, et on a mis à profit ce temps libre entre guillemets qu'on avait pour composer. On a sorti notre premier CD en fin 2019, donc juste avant tout ce merdier. Du coup, on s'est dit, tant qu'à faire, et voilà, on se lance dans le second. Et, Parce que du coup, vous avez été, j'imagine, un peu frustré. Tu me disais que l'album est sorti fin 2019, donc 3-4 mois avant le premier confinement. Du coup, j'imagine qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir jouer l'été dernier, etc. Là, du coup, en plus, vous faites du métal. Ça, j'imagine que vous allez essayer de faire casser des jambes ce soir, quoi. Voilà. Donc, on était carrément frustrés, surtout qu'on avait prévu notre sortie, on avait quelques dates, on était censé... on devait jouer ici, l'année dernière. Ici, donc, à Ratch, donc c'était des dates un peu... Des dates un peu consécration pour nous. Et ça nous est passé sous le nez, malheureusement. Donc, frustré à fond, carrément. Mais voilà, comme je te disais, on a mis à profit ce temps pour composer et aller de l'avant quand même, quoi. Ça fait deux fois que tu me parles de composer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un nouvel album aussi en préparation? C'est en chantier. Voilà, il y a quelques morceaux, bien, quasiment finis. Ouais. On peut pas parler d'un album complet encore, mais... On a quand même avancé, ouais. Première question, du coup, pour ce nouvel album, il sera vraiment différent du dernier ou c'est dans une continuité Je pense qu'il sera peut-être un peu plus abouti parce que on a pris beaucoup plus de temps à travailler les compos. Le premier, c'était déjà un peu plus brut de décoffrage, des choses qu'on avait tout ça en nous avant et qu'on a sorti un peu comme ça, quoi. Et là, on a un peu plus travaillé. Je pense que les compos seront un peu plus aboutis, ouais. Parce que vous avez commencé à vous connaître aussi l'un l'autre, à savoir... Exactement, ouais. Du coup, ce soir, c'est un set de combien que vous avez prévu pour ce soir? C'est 45 minutes. Enfin, 45 minutes, c'est quoi? C'est le festival que vous avez demandé ça ou comment, oui, comment ça marche? Oui, c'est imposé. Enfin, on a un temps de changement de plateau, un temps de show et un temps de démontage. Du coup, ça veut dire que vous avez prévu quelque chose spécialement pour ce soir? Oui, oui, oui. Bah, on a fait nos répètes chronométrées comme tout le monde, je pense, pour tenir le timing, quoi. Ouais. On a essayé aussi un petit peu, avec ce temps imparti, d'essayer de construire un show, entre guillemets, avec quelques petits instrus joués, quelques petites bandes de son un peu qui vont servir de lien entre les morceaux et faire un show assez cohérent. Hein. Je parlais avec Elian tout à l'heure, qui est technicien lumière cette année, je crois, qui est aussi technicien son dans la vie. Est-ce que vous, en tant que groupe, vous êtes venu avec votre technicien son, votre technicien lumière, ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, parce que vous avez apparemment préparé quelque chose de spécial avec des bandes sonores, etc., est-ce que vous êtes venu avec quelqu'un qui vous connaît, qui va pouvoir vous mettre le plus possible en valeur ce soir, ou est-ce que vous en remettez au groupe du festival? Oui, oui, on a eu le temps de prévoir la date, quoi. Donc du coup, on est venu avec des gens qui connaissent ce qu'on fait, qui sont venus en répétition pour prendre des notes, préparer le concert, quoi. Bon, on a contacté des pros, donc des mecs qu'on connaît qui sont très bons pour nous, je pense. Et on a eu la chance que c'est le début de la vague de concerts qui va débuter. Donc ces gens-là étaient assez dispo, donc on en a profité et on les a attrapés pour qu'ils viennent avec nous. Ils viennent heureusement. Et, on répond du présent et ça va sonner. Et on est très contents. Petite question un peu plus générale pour continuer. On parlait de si jamais il fallait classer, on va dire, Torate, où est-ce que vous le mettriez en deux mots? On s'est auto-collé l'étiquette de Death Groove Metal, même si perso, j'ai du mal avec toutes ces étiquettes-là, ouais. mais on appelle ça plus communément la bûche, quoi. On s'enferme pas dans un style, dans une étiquette, comme oui. Je le disais, de groove ou de death, mais ça a l'air d'être plutôt ça que les gens ont appelé notre style, un peu comme ça, quoi. Je me souviens d'une époque à Yachesta où il y avait énormément de métal. Aujourd'hui, ça c'est plus discret. Comment vous voyez-vous la scène métal au Pays Basque? Moi, je pense que c'est une scène assez stable. Enfin, il y a toujours des nouveaux groupes, il y a des groupes qui restent. Il n'y a aucun souci à se faire pour la scène métal au Pays Basque. Vous arrivez à trouver des dates facilement pour jouer, quoi? Là, comme on t'a dit, c'est la reprise. Donc on va jouer ce soir. Hein, puis on en a deux, une ou deux en vue. Voilà. On a joué il y a 15 jours, hein, à Pago da Teia. Je crois qu'on est prévu au Fête du Rugne. Au Fête du Rugne? Est-ce que c'est étrange finalement de voir des groupes de métal dans des fêtes de village? C'est pas commun, c'est vrai, mais on n'a pas l'habitude d'en voir. Quand on nous appelle comme ça, on est super flattés et on est super contents aussi pour le métal d'ici, quoi. Qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, qui sont prêts à programmer ça dans des fêtes de village. On a déjà joué à Aulette et on y allait vraiment presque à reculons. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va y en foutre là-bas? Et en fait, c'était une soirée énorme. Il y avait pleinement motivé et pas forcément frileux au métal, quoi. Oui, donc c'est quand même finalement assez ouvert et même les gens les plus incongrus dans une fête de village, c'est quand même assez étonnant d'écouter du métal. Même là, il y a quand même du monde qui suit, qui va venir dans le pogo, qui va venir écouter. Ouais, carrément. Et même ici, en fait, ici, c'est vrai, comme tu disais, qu'on n'a pas vu beaucoup de métal. Là, il y a deux soirs de suite, il y a nous, demain, il y a le légendaire Anecht qui va faire bien plaisir. Ça prouve qu'ils ont un horaire de fou, le meilleur horaire de la soirée. On plaisante en disant que on joue de la bûche, mais on a quand même des titres assez accessibles, qui peuvent toucher un public assez large. On pense pas à choquer les gens. Ça va très bien avec les fêtes de village. Et bien du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite un bon concert ce soir à 12h30 sur la grande scène d'Acheseta. Ça va aller? Ça va aller, ça va aller. Ça va le faire, ouais. Et bien merci beaucoup. Et est-ce que votre album, est-ce qu'il a un nom? Comment on peut le retrouver sur internet si on veut l'écouter? Il s'appelle Torate. Torate, alors T-O-R-H-E-I-T. H-E-I-T, ouais. Voilà. Pour que nos auditeurs puissent aller écouter ça tranquillement depuis chez eux, je vous remercie et bon courage, bonne chance et merde, comme on dit dans la profession. Merci. Merci Mathieu. Quel est le concert que tu es venu voir cette année ? Et j'ai pas trop regardé la programmation, moi, tu sais, une buvette, des copains. Eh bien, je suis venu surtout pour l'ambiance, surtout pour passer 3 jours un peu hors de ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire, etc. Donc ça fait du bien de passer un peu du temps sans masque, sans restrictions, etc. Et pour voir des concerts aussi. Donc là, il y a Rudy Guerre qui va jouer, un des groupes que j'ai suivi et que j'ai notamment mentionné lors de mon passage à l'émission, donc je suis venu un peu le voir. Bon, écoute, les anciens copains du lycée, de l'Icachtola, après ceux de la côte aussi, écoute, je suis venu voir du monde, faire de nouvelles rencontres et faire la fête pendant 3 jours. Ben là, je suis bien tenté par C.A. Maïs et Chibelout, voilà, c'est mes deux principaux concerts dont j'ai envie de participer. Non, je suis pas venu voir quelque chose en particulier, c'est pour l'habitude, la tradition. Non, je peux même pas te citer un groupe, là, j'ai pas du tout regardé la programmation, je suis vraiment venu picoler, ouais. Chiverut. Moi, je connais pas très bien C.A. Maïs. Est-ce que tu pourrais me chanter un petit peu de C.A. Maïs ? Non, ça c'est vraiment pas cool. Alors, oui, je peux essayer. Negua yoandata, negua yoandata, voilà. Que a besela airea e ganabil. Est-ce que tu peux nous chanter un petit peu de Nogan ou pas? Non, excuse-moi mon cher cousin, mais je vais pas pouvoir te chanter une petite chanson. Un petit chant d'Alain Stéchia ou pas? Alors ça doit faire un truc du style... Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Alors, est-ce que tu estimes que leur prestation sera meilleure que la tienne ou... Ben j'espère vraiment. Tout non essentiel. On était donc à EHC Seta, Euskal Herria Zuzenean, Airisari, on était avec Bixente qui finalement, plutôt que des micro-trottoirs, a fait carrément des interviews à ce niveau-là. Ben oui, exactement. En fait, je me suis rendu compte que je connaissais la moitié des gens. Et donc, du coup, j'ai interviewé des gens. J'ai essayé de poser les meilleures questions possibles pour que vous profitiez avec nous du festival et que ça vous donne envie aussi de venir au festival. Donc, j'espère que l'année prochaine, on vous verra avec nous et que vous pourrez répondre à nos questions en connaissant la radio. Et donc, je vous souhaite à tous un bon été et des bons festivals. Je ne sais pas si on dit festival ou festival d'ailleurs, mais... Non, on dit festival au pluriel. Bon, mais très bien. Eh bien, merci à vous et puis à très vite pour une autre chronique intéressante de ma part. Et bien voilà, je pense que Bixente a tout dit. Je vous ai déjà parlé du site Badoc, mais vous pouvez y retourner pour retrouver une petite sélection des groupes qui sont passés ce week-end donc à ce festival EHZA, EHZ, Euskal Herria Zuzenean, Airisari. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Non essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non essentiel. Jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renault sur certaines chansons. Connard de virus. Et du coup, qu'est-ce que t'écoutes comme musique généralement ? Généralement, beaucoup de reggaeton. Et est-ce que tu peux nous faire une petite démo de reggaeton? Tout à fait. Hey yo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. And then I realized you're a big cafe, yo. Sending the nuns, I'm still a bay, yo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, hiding a new face. You ain't with a buddy, but you ain't with a mate. You're such a fan buddy, but you ain't with a mate. Hey yo, to my back off, you want a slake off. You want a booty calls, you got a Jacob. It's me and Karol G, who love the rock talk. Cause they, let you the mix of. Pero si le ponen la canción, le una depresión.